Alors, on va aller ce matin encore dans 1 Corinthiens 13. Je vais tasser toute ma... paperasse. Alors, 1 Corinthiens 13, on parle de... l'amour. 1 Corinthiens 13. Alors, c'est la suite du message ou le thème que j'ai entrepris au début de l'été. Et j'y vais verset par verset. Alors, je vais lire les versets 1 à 4 pour la circonstance. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Courbons-nous devant Dieu. Merci, Seigneur, de la grâce que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole en toute liberté. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir placés dans un milieu où nous n'avons pas à craindre la persécution, comme c'est le cas dans plusieurs coins de la planète. Mais, Seigneur, nous te prions de ce que par l'étude de ta parole ce matin, tu puisses transformer nos cœurs, parce qu'on a besoin d'être sanctifié par la puissance de ton Saint-Esprit, d'être amené à être de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et pour cela, Seigneur Dieu, bien, on est conscient que tu vas devoir encore faire du ménage dans nos vies, arracher des choses qui nous empêchent d'être constamment dans ta volonté, qui attristent ton Saint-Esprit. Aussi, Seigneur, nous te prions de ce que par le message de ce matin, tu puisses faire en sorte que nous allons considérer ta volonté et surtout, Seigneur Dieu, de ce que tu vas nous donner, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous allons, donne-nous d'être des gens qui allons désirer être transformés par ta parole. Que ta parole soit le miroir qui nous montre qui nous sommes devant toi, et puis qu'on puisse, dans le fond, comme devant le miroir, Seigneur Dieu, replacer ce qui, malheureusement, ne concorde pas avec ta volonté. Tout comme chaque matin, devant le miroir, on se peigne et on fait sa toilette, bien ce matin, Seigneur Dieu, que devant le miroir de la parole de Dieu, on puisse faire une autre partie de la toilette que nous avons besoin de faire pour notre âme. Garde-nous en toi et parle-nous, car nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire. C'est en Jésus que nous te prions cela. Amen. Alors, on a vu dans les dernières semaines, il y a eu les deux dernières semaines, ça a été quelqu'un d'autre qui nous a apporté la parole, mais on a vu avant cela, précédemment, Gilles Lapierre et Marc Dubuc, que la charité est patiente. On a vu que la charité est pleine de bonté. Et ce matin, on va considérer le point que la charité n'est point envieuse. L'amour n'est pas envieux. L'envie, c'est quoi l'envie? On peut dire l'envie, la jalousie, la convoitise. Ce sont des mots qui sont tous des synonymes. L'envie, est défini comme un sentiment de convoitise à la vue du bonheur, des avantages d'une autre personne. Je répète, l'envie, c'est un sentiment de convoitise à la vue du bonheur, des avantages d'une autre personne. La jalousie, c'est un sentiment d'envie, de désir d'obtenir les avantages dont jouit une autre personne. Ça ressemble pas mal, hein? Ça se recoupe. Puis la convoitise, c'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est un désir immodéré de posséder. Alors, un désir immodéré de posséder. Ça, c'est la convoitise. Dans le livre de l'Exode, on a les 10 commandements au chapitre 20. Est-ce que quelqu'un est capable de me citer par cœur le 10e commandement? Et il y a quelqu'un, j'ai cru entendre la réponse. Oui, c'est ça. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, on voit que ça fait partie des commandements que Dieu avait donnés à Israël. Et si Dieu a donné ce commandement-là, c'est que finalement, la convoitise, ben, c'est quelque chose avec laquelle chacun d'entre nous est appelé à lutter. Jésus, en parlant des quatre semences qui tombaient dans quatre terres différentes, nous parle de la semence qui va tomber dans la terre avec des épines. Et il nous dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. L'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Jacques écrit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Il enchaîne en disant, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, on voit ici que l'envie, la jalousie, la convoitise, c'est quelque chose qu'on doit lutter contre jour après jour. Et je pense qu'on n'en aura pas fini avant que le Seigneur nous prenne ou qu'il revienne. Quand on regarde au thème de la convoitise et qu'est-ce que ça fait, quel effet la convoitise peut avoir, je me suis penché sur le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, ben c'est le livre qui nous parle du début. Il nous parle de la création et nous amène jusqu'à la formation du peuple de Dieu dans le désert, donc jusqu'au livre de l'Exode. Et dans Genèse, au chapitre 2, déjà, on voit que la convoitise prend sa place. Dans le chapitre 2, au verset 15 à 17, il nous est dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il l'a placé là pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, touche pas à cet arbre-là. Regarde le jardin, là, puis on peut juste s'imaginer là, tous les arbres qu'il y avait dans le jardin et tous les arbres fruitiers. Et Dieu dit à notre premier père, avant même qu'Ève soit dans le décor, il dit, tu peux prendre tout ce qu'il y a là, tu mets tout ça à ta disposition, tu fais ce que tu veux avec cela, je te le donne, sauf qu'il y en a un que tu ne toucheras pas. Puis c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça je ne veux pas que tu y touches. Parce que si tu touches à ça, c'est mortel. Il aurait quasiment fallu que Dieu fasse une petite pancarte puis qu'il cloue ça sur l'arbre pour dire « matière dangereuse ». Mais il a dit, il était tout seul, fait qu'il n'a pas besoin de mettre une pancarte. Sauf que il nous est dit au chapitre 2, verset 25, donc le dernier verset du chapitre, et en allant jusqu'au verset 7 du chapitre 3, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Le serpent s'approche de notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, Ève, puis il lui dit, « Dieu a-t-il réellement dit? « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Alors, il est évident que Adam, lui, avait passé la consigne. Parce qu'il n'était pas là quand la consigne a été donnée. Donc, Adam connaissait la consigne, puis lui a passé la consigne. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, elle a eu le message. Alors, le serpent dit à la femme, oh, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le jour où vous allez en manger, qu'est-ce qui va se passer? Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et là, on lit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a regardé l'arbre et son fruit, et elle l'a convoité. Elle en a eu envie. Elle a pris de son fruit, elle en a mangé, et puis en a donné à Adam. Adam était auprès d'elle. C'est lui qui l'avait entendu le message. Il aurait dû corriger le tir, mais lui aussi, tristement, il a été séduit. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils ont connu qu'ils étaient nus. Et là, on voit qu'il y a eu les conséquences de leur convoitise. Ils ont péché contre Dieu en ne faisant pas confiance à Dieu, bien entendu, mais aussi en se laissant séduire et en convoitant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, dans notre monde, ça va mal parce qu'ils ont fait ça. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est toutes sortes de conséquences néfastes qui se produisent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans nos vies, chacune de nos vies, dans notre monde, dans notre société, parce que nos premiers parents ont convoité ce que Dieu avait dit, tu n'y toucheras pas. Il y en avait plein, plein, plein d'autres arbres avec des fruits dedans. Des fois, on dit, c'est ce qui est défendu, qui est tentant. Bien, ils ont convoité le fruit de la connaissance du bien et du mal et nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Est-ce que ça s'est arrêté là? On va voir que c'est là que c'est enchaîné, un après l'autre, malheur par-dessus malheur, toutes sortes de conséquences. Au chapitre 4, dans le livre de la Genèse, les versets 1 à 8, il nous est dit que Adam et Ève ont eu deux fils, Caïn et Abel. Alors, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Quelle a été la conséquence? Caïn aurait pu dire, « Bon, ben il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct. Il y a quelque chose que je fais qui ne semble pas plaire à Dieu, puis il y a quelque chose que mon frère fait qui semble plaire à Dieu. Je vais aller chercher conseil auprès d'Abel. Puis je vais lui demander, « Abel, je ne comprends pas, là, mais je vois que Dieu, là, il ne me traite pas comme il te traite, puis toi, tu offres tes agneaux et ton bétail, et puis il a l'air à apprécier ça. Peut-être que je devrais réajuster mon tir. » Peut-être que déjà les deux savaient ce que Dieu demandait, mais peut-être que Caïn a dit, « Ben moi, je vais y offrir ça, puis si ça ne fait pas son affaire, ben c'est pas mon problème. » On entend ça encore aujourd'hui, hein, cette phrase-là. « Moi, je vais vivre ma vie comme je veux, puis si ça ne fait pas son affaire, ben tant pis pour lui. » Mais on n'est pas appelé à vivre notre vie comme on veut. Sauf que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Abattu parce que Dieu acceptait les offrandes d'Abel, puis il n'acceptait pas les siennes. Il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie. Il enviait son frère. Et là, Dieu vient voir Caïn, puis lui dit, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien. » Donc, si Dieu dit à Caïn, « Si tu agis bien, il vient d'y passer un message. » Tu n'agis pas bien, il faudrait peut-être que tu changes de comportement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Quand on est dans la volonté de Dieu, on est rayonnant de joie. Caïn n'était pas dans la volonté de Dieu, il le ressentait et Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus? Il dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Toi, tu as une responsabilité. Domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. On connaît toute l'histoire. Sa convoitise, sa jalousie, l'envie l'a poussé au meurtre. Est-ce qu'on réalise jusqu'à quel point l'envie, la jalousie, la convoitise peut avoir des effets néfastes sur quelqu'un? On a un autre cas. On avance dans le livre de la Genèse, puis on en trouve. C'est le premier livre de la Bible. On voit que Jacob a eu deux fils. Et ces deux fils-là étaient, en plus de ça, des jumeaux. Ils ne se ressemblaient pas. Mais c'était quand même des jumeaux. Ce n'étaient pas des jumeaux identiques. Il y en a un qui était un peu plus physique, puis l'autre un peu plus intellectuel. Alors, Ésaü, c'était le chasseur, c'était celui qui était probablement habile de ses mains, c'était l'homme à tout faire. Et puis, Abel, ben, c'était celui qui était assis devant son ordinateur, puis Jacob. On reprend. Jacob était assis devant son ordinateur ou devant un livre, et puis lui, c'était l'intellectuel. Et dans ce temps-là, avoir le droit d'auteur, le droit d'aînesse, on reprend, avoir le droit d'aînesse, ce n'était pas quelque chose à négliger. Et Ésaü avait le droit d'aînesse, c'est-à-dire que c'était celui qui allait bénéficier le plus de la part de ses parents parce qu'il était le premier-né. Et pourtant, il est né quelques minutes avant, il n'est pas né trois jours après, avant, il est né quelques minutes avant son frère. Même qu'on peut lire que le bras de son frère est sorti même avant lui, mais ça n'a pas compté. Et on voit ici que Dieu adresse à Rebecca cette révélation-là, qu'il y a deux nations dans son ventre. Et puis, un jour, Jacob il a trouvé l'occasion idéale pour s'accaparer du droit d'aînesse. Jacob, il faut le voir, convoitait le droit d'aînesse. Comment voit-on ça? Bien, un jour, Ésaü est revenu à la maison, et puis Ésaü était un habile chasseur. Et on voit qu'en revenant des champs, il était accablé puis il était très, très fatigué. Et là, il voit que Jacob est en train de préparer un repas. Il y en a un qui tuait le gibier puis l'autre qui faisait la cuisine. Puis il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Si tu me vends ton droit d'aînesse, je vais te donner à manger. » Ésaïe répondit, « Voici, je m'en vais mourir, j'ai tellement faim, je meurs de faim. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob ne voulait pas manquer son coup, il a dit, « Signe sa ligne en bas. Jure-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et le potage de lentilles. On peut voir ici que c'était quelque chose que Jacob convoitait, le droit d'aînesse. Et c'est quelque chose que Ésaü a méprisé, mais son frère le convoitait. Et il a fini par arriver à ses fins, puis il a eu le droit d'aînesse. Et on voit que ça a été, pendant des siècles, la lutte entre les descendants d'Ésaü et les descendants de Jacob. Les Édomites et les Israélites ont été des ennemis. On voit qu'à un moment donné, quand Jacob a eu la bénédiction de son père, Ésaü était vraiment pas content, puis il a dit, « Quand je vais avoir ma chance, je vais y régler son cas, puis je vais leur prendre mon droit d'aînesse. » Il était prêt à tuer son frère, comme Caïn a tué son frère. C'est là que ça mène. C'est là que ça mène. L'envie, la jalousie, la convoitise. Dans Genèse 26, il y a une autre situation. C'est la situation d'Abimélec. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Abimélec, mais Abimélec, c'était un des anciens rois des Philistins. Et puis, il nous est dit que Isaac était dans le pays, puis Isaac, ça marchait son affaire. Il était vraiment béni. Et puis, il est devenu riche, puis il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint, et là la Bible dit, fort riche. Fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, les serviteurs d'Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » La jalousie, l'envie, la convoitise. On fait en sorte qu'Abimélec a chassé Isaac de son pays. Pourtant, ça aurait pu être un plus pour son pays. Mais il ne pouvait pas endurer que quelqu'un soit plus riche que lui, plus béni que lui. Une autre situation, chapitre 30, toujours dans le livre de la Genèse. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur Léa. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants! » Comme si Jacob avait le contrôle là-dessus. Bien, Jacob lui a bien répondu, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Et là, elle a trouvé une solution à son fameux problème de fécondité. Parce qu'elle était jalouse de sa sœur Léa. Puis elle l'enviait parce que Léa, c'était était rendue à 5 enfants, là. Puis elle n'en avait pas encore un, fait que elle enviait sa sœur, puis elle était jalouse. Elle a trouvé une solution. Elle a dit, « Voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des enfants. Mesdames, iriez-vous jusque-là? Si monsieur voulait absolument avoir des enfants? » On voit que ça n'a pas été facile dans leur vie de famille. Hein? Et c'est ça qui a entraîné la convoitise, l'envie, la jalousie. Chapitre 31. Ben, Rachel et Léa avaient un papa, il s'appelait Laban. Et quand on regarde la vie de Laban, ben, si vous n'aviez pas lu jusque-là, je vais vous donner une petite introduction à Laban. Laban, eh bien, c'est un homme qui était le frère de la maman de Jacob et d'Ésaü. Et puis, Ésaü est allé vers sa famille parce que ses parents ne voulaient pas qu'il marie une fille du pays. Et Rebecca et Isaac ont envoyé Laban vers la famille de son frère. Et là, il a rencontré Rachel, puis est tombé en amour coup de foudre avec Rachel. Un vrai coup de foudre. Et puis là, il a dit, « Donne-moi ta fille. » Il demandait ça à Laban. Il dit, « Je vais travailler 7 ans pour elle. » Eh, mes amis, il était vraiment en amour. Hein? Il a travaillé 7 ans pour notre ami Laban. Et après les 7 ans, notre ami Laban a respecté son engagement et il a donné sa fille en mariage à Jacob. Quand Jacob s'est levé le lendemain matin, c'était pas la même, c'était pas la bonne, c'était sa sœur. Et Laban, il a dit, ben ça se fait pas dans le pays, là. je pouvais pas te donner Rachel parce que Léa est plus vieille. Et puis Laban a dit, ben si tu veux retravailler un autre 7 ans pour moi, je vais te donner un deuxième. Mais vous pouvez vous imaginer ce qui devait se trotter dans la tête de notre frère, notre cher Jacob. Mais il a travaillé pendant toutes ces années-là. Et là, à un moment donné, il a entendu les propos des fils de Laban qui disaient, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » La jalousie, l'envie et la convoitise. L'ashkan était pris dans cabane. L'ashkan était pris dans famille. Et c'est pour cela que Jacob a dû fuir avec ses femmes, les servantes de ses femmes et ses enfants. Genèse 37. Je vais vous le lire au complet parce que c'est trop intéressant. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Vous savez pourquoi que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils? Parce que Joseph, c'était le premier fils qu'il a eu avec Rachel. Puis comme je l'ai dit précédemment, c'est Rachel que Jacob aimait. Et puis là, il y avait Joseph. Il l'avait eu aussi dans sa vieillesse, Puis là, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils l'haïssaient. Puis quand ils se parlaient ensemble, ce n'était pas de l'amitié. Joseph sentait que ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Et Joseph, il s'adonne qu'il avait des songes. Et il le raconta à ses frères qu'ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Puis là, Jacob est intervenu. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Et le texte nous dit, « Ses frères eurent de l'envie contre lui. » Mais son père garda le souvenir de ces choses. Ils ont eu de l'envie. Ils ne pouvaient plus l'endurer. Ils ne l'aimaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu comme esclave aux Égyptiens. Le texte de Genèse nous dit qu'ils l'ont vendu parce qu'ils l'enviaient. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que, et c'est Étienne qui nous dit cela, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Il y a eu d'autres personnes dans la Bible qui ont été jaloux et puis qui ont eu de l'envie. Les chefs religieux, il nous est dit, on peut le lire, dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 18. Matthieu 27, 18 et Marc nous raconte la même chose. Je vais le lire. Qu'est-ce qui nous est dit dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 18. Jésus savait que c'était par envie, Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pilate savait, c'était évident, c'était clair pour lui, que les chefs du peuple étaient jaloux de Jésus, l'enviaient et ils l'ont vendu à cause de cela. L'apôtre Paul, en écrivant à Tite, et je vais le lire aussi, Tite au chapitre 3 et au verset 3, il nous est dit, alors, Tite, chapitre 3, verset 3. Là, ça nous parle à nous. car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » On voit par là que, tristement, c'était notre partage. Puis étant donné que Dieu veut nous sanctifier, bien, il faut comprendre une chose. C'est que vu que Dieu veut nous sanctifier, il faut la faire, la lutte à ce péché-là, la convoitise. On l'avait avant d'être sauvé, puis on doit y travailler encore aujourd'hui. Le psaume 37. Le psaume 37 nous dit, et c'est très intéressant, vous pouvez y tourner si vous voulez. Alors, le psaume 37 nous dit, versets 1 à 8 et 16, je vais le lire. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. » Nous qui sommes chrétiens, des fois on prend pour acquis que tout devrait bien aller. Mais si vous êtes comme moi, tout ne va pas toujours très, très bien dans nos vies. C'est-à-dire que le fait de devenir chrétien, ce n'est pas une garantie de ce qu'on va avoir, tout ce qu'on veut. On a tendance, en tant que chrétien, à s'imaginer que si on suit fidèlement le Seigneur va bénir. Mais qu'est-ce qu'on entend par la bénédiction? On entend par la bénédiction que Dieu va nous donner ce qu'on lui demande. Tout ce que vous demanderez par la prière, Dieu vous le donnera. Mais il répond à toutes nos prières, mais il y a des fois et souvent qu'il ne répond pas comme on pense qu'il devrait répondre. Et c'est pour ça que le psalmiste ici, il nous montre que les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui ne vivent pas selon Dieu, les gens qui ne craignent pas Dieu, on peut être tenté de les envier. On peut être tenté de regarder eux autres, puis regarder notre Père Céleste, puis de dire, comment ça se fait que moi, je n'ai pas ces choses-là? Le psaume 73 nous dit quelque chose d'intéressant. Le psaume 73 nous révèle quelque chose qui devrait nous interpeller. Dans le psaume 73, eh bien, il y a un homme de Dieu qui a failli se faire prendre au piège, comme il arrive qu'on se fait prendre au piège nous autres aussi. Être chrétien n'est pas une garantie de succès selon le monde. Je dis bien, c'est une garantie de succès. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas nécessairement le succès que le monde envisage. Et en tant que chrétien, des fois, on a tendance à regarder les gens qui ne vivent pas selon Dieu, puis il semblerait qu'eux autres n'ont pas les problèmes qu'on a. Avez-vous l'impression que c'est comme ça des fois? Que ceux qui vivent dans le monde sont bien mieux que nous autres. Bien, ce frère-là, il a écrit un psaume. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il dit toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Et il ajoute quelque chose qui est bouleversant. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ça marche leur affaire, eux autres. Ça va bien, le business. On va faire comme eux autres. On envie, on jalouse, on convoite. Et on a tendance à se tourner de leur côté, vouloir faire les choses comme eux autres, parce que ça marche. Il avale l'eau abondamment et il dit, « Comment Dieu le saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Mais il a fait une réflexion. Et quelle était sa réflexion? Sa réflexion était celle-ci. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Quand je réfléchis pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que j'eusse entré dans la présence de Dieu et que j'eusse pris part, est-ce que j'eusse pris garde, pardon, au sort final des méchants? Jusqu'à ce que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Est-ce que je réfléchis au fait que Christ est mort pour mes péchés, qui m'a donné la vie éternelle? Puis ce qu'il me demande, c'est pour mon bien. Et puis, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe le succès que quelqu'un peut avoir autour de moi, s'il n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ pour le salut de ses péchés, tout va se finir à sa mort. Tandis que pour nous, qui sommes sauvés, nous avons une espérance, et notre espérance, c'est qu'on va être avec Dieu pour l'éternité. Ils ont de belles grosses maisons, mais Jésus nous en prépare une. Et n'oubliez pas que Jésus était charpentier de métier. Vous pouvez juste vous imaginer quel genre de maison il est en train de vous construire et de me construire. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe à son réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, waouh, j'étais stupide et sans intelligence. Ma convoitise était en train de me faire dérouter. Ma jalousie est en train de ruiner ma propre vie. Ça me rongeait. J'étais à ton égard comme les bêtes. Et là, il dit, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? » Bien que ce soit notre cas, « je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Quelle espérance nous avons, nous, les chrétiens? Fuyons l'envie, fuyons la jalousie, fuyons la convoitise. Soyons de ceux qui font de l'Éternel leur délice. Que Dieu soit mon délice, que je lui fasse confiance et que je le voie bénir abondamment chacun d'entre nous, parce que nous marcherons dans ses voies et nous aurons la joie du Seigneur. Nous aurons la joie du Seigneur. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est point envieuse. Seigneur, donne-moi la victoire sur l'envie. Donne-moi la victoire sur la jalousie. Donne-moi la victoire sur la convoitise. Parce que je vois que la convoitise, la jalousie, l'envie n'apportent que la confusion, n'apportent que la tristesse, ne m'amèneront qu'à faire des choses qui déplairont à Dieu et par ricochet me rendront malheureux. Seigneur, donne-moi la victoire sur ce péché, sur cette attitude, sur ce comportement-là. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, on a pu considérer, entre autres, plus particulièrement dans le livre de la Genèse, des effets néfastes de la convoitise, des effets néfastes de l'envie et de la jalousie. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes de marcher avec amour en bannissant de notre cœur cette envie, cette jalousie, cette convoitise, que nous y fassions la lutte. C'est pas pour rien, Seigneur, que dans le décalogue, tu nous as donné au 10e commandement de ne pas convoiter. Seigneur, c'est parce que c'est là dans nos vies. C'est un combat constant. Je te prie donc, Seigneur, de ce que dans ta grâce, tu nous équipes pour faire, avoir la victoire, pour faire les efforts nécessaires pour avoir la victoire là-dessus. On voit que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un exemple flagrant de l'amour. Il nous est dit qu'au lieu de considérer ses propres intérêts, il a considéré les nôtres, il a considéré les miennes. aussi, Seigneur, ma prière, c'est que tu me donnes d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et qu'au lieu de regarder autour de moi et d'essayer d'avoir ce que les autres ont, je me contente d'avoir ce que toi, tu me donnes. Que je me contente d'avoir ce que toi, tu as fait pour moi. Seigneur, que dans ta bonté, je sois quelqu'un qui te fasse confiance, qui se rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et puis que j'ai rien à envier à personne, comme dit le psaume 73, parce que tu es celui qui me bénit. Tu es ma bénédiction. Et tu ne permettras pas, Seigneur, que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Puis tu vas me donner, avec la tribulation, toutes sortes de bénédictions. Seigneur, donne-nous en tant que chrétiens, donne-nous en tant qu'Église, d'être un groupe de tes enfants qui va faire la lutte à ce péché qui est si subtil. Seigneur, que tu sois notre richesse, que tu sois celui que nous allons envier et vouloir être pareil. Seigneur, qu'on recherche à être semblable à Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus. Amen.